Pour la traversée de ce petit pont, ce qui doit être pris en compte n'est pas le gabarit du véhicule, mais uniquement la signalisation. Ce panneau indique que la voiture a la priorité par rapport à la circulation en sens inverse. Le conducteur du car, quant à lui, est face à ce panneau. C'est donc lui qui doit céder le passage. Réponse A.